Section 16 de Poésies allemandes, traduite par Gérard de Nerval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Schubert. La mort du juif errant, rhapsodie lyrique, à Asver, se traîne hors d'une sombre caverne du Carmel. Il y a bientôt 2000 ans qu'il erre sans repos de pays en pays. Le jour que Jésus portait le fardeau de la croix, il voulut se reposer un moment devant la porte d'Ahasver. Hélas, celui-ci s'y opposa et chassa durement le Messie. Jésus chancelle et tombe sous le fait, mais il ne se plaint pas. Alors l'ange de la mort entra chez Ahasver et lui dit d'un ton courroucé « Tu as refusé le repos, fils de l'homme. Eh bien, monstre, plus de repos pour toi !» jusqu'au jour où le Christ reviendra. Un noir démon s'échappa soudain de l'abîme et se mit à te poursuivre, Ahasver, de pays en pays. Les douceurs de la mort, le repos de la tombe, tout cela depuis t'est refusé. Ahasver se traîne hors d'une sombre caverne du Carmel. Il secoue la poussière de sa barbe, saisit un des crânes entassés là et le lance du haut de la montagne. Le crâne saute, rebondit, et se brise en éclats. « C'était mon père !» s'écria le juif. « Encore un ! Ah, 6 encore s'en vont bondir de roche en roche !»« et ceci » rugit-il, les yeux ardents de rage. « Ceci, ce sont mes femmes !»« Ah, les crânes roulent toujours !»« Ceci et ceci, ce sont les crânes de mes enfants !»« Hélas, ils ont pu mourir !»« Mais moi, maudit, je ne le peux pas !» L'effroyable sentence pèse sur moi pour l'éternité. Jérusalem tomba, j'écrasai l'enfant à la mamelle, je me jetai parmi les flammes, je maudis le Romain dans sa victoire. Hélas, hélas, l'infatigable malédiction me protégea toujours, et je ne mourus pas. Rome, la géante, s'écroulait en ruine. J'allais me placer sous elle, elle tomba sans m'écraser. Sur ses débris, des nations s'élevèrent et puis finirent à mes yeux. Moi, je restais et je ne puis finir. Du haut d'un rocher qui régnait parmi les nuages, je me précipitais dans l'abîme des mers. Mais bientôt les vagues frémissantes me roulèrent au bord et le trait de feu de l'existence me perça de nouveau. Je mesurai des yeux le sombre cratère de l'Etna et je m'y jetai avec fureur. Là, je hurlai 10 mois parmi les géants, et mes soupirs fatiguèrent le gouffre sulfureux. Hélas, 10 mois entiers. Cependant, l'Etna fermenta, et puis me revomit parmi des flots de lave. Je palpitais sous la cendre, et je me mis à vivre. Une forêt était en feu. Je m'y élançai bien vite. Toute sa chevelure dégoutta sur moi en flamèche, mais l'incendie effleura mon corps et ne put pas le consumer. Alors je me mêlai aux destructeurs d'hommes, je me précipitai dans la tempête des combats, je défiai le Gaulois, le Germain, mais ma chair émoussait les lances et les dards. Le glaive d'un sarrasin se brisa en éclats sur ma tête, je vis longtemps les balles pleuvoir sur mes vêtements comme des poids lancés contre une cuirasse d'airain. Les tonnerres guerriers serpentèrent sans force autour de mes reins, comme autour du roc crénelé qui s'élève au-dessus des nuages. En vain l'éléphant me foula sous lui, en vain le cheval de guerre, irrité, m'assaillit de ses pieds armés de fer. Une mine chargée de poudre éclata et me lança dans les nues. Je retombai tout étourdi et à demi brûlé, et je me relevai parmi le sang, la cervelle et les membres mutilés de mes compagnons d'armes. La masse d'acier d'un géant se brisa sur moi, le poing du bourreau se paralysa en voulant me saisir, le tigre émoussa ses dents sur ma chair, jamais lion affamé ne put me déchirer dans le cirque. Je me couchai sur des serpents venimeux, je tirai le dragon par sa crinière sanglante, le serpent me piqua et je ne mourus pas. Le dragon s'enlaça autour de moi et je ne mourus pas. J'ai bravé les tyrans sur leur trône. J'ai dit à Néron, tu es un chien ivre de sang. À Christiane, tu es un chien ivre de sang. À Müller Ismaël, Tu es un chien ivre de sang. Les tyrans ont inventé les plus horribles supplices. Tout fut impuissant contre moi. Hélas, ne pouvoir mourir, ne pouvoir mourir, ne pouvoir reposer ce corps épuisé de fatigue. Traîner sans fin cet amas de poussière, avec sa couleur de cadavre et son odeur de pourriture. Contempler des milliers d'années l'uniformité, ce monstre à la gueule béante, le temps fécond et affamé qui produit sans cesse et sans cesse dévore ses créatures. Hélas, ne pouvoir mourir, ne pouvoir mourir. Ô colère de Dieu, pouvais-tu prononcer un plus effroyable anathème ? Eh bien, tombe enfin sur moi comme la foudre. Précipite-moi des rochers du Carmel, que je roule à ses pieds, que je m'agite convulsivement et que je meure. Et Asver tomba, les oreilles lui tintèrent et la nuit descendit sur ses yeux aux cils hérissés. Un ange le reporta dans la caverne. Dors maintenant, Asver, dors d'impaisible sommeil. La colère de Dieu n'est pas éternelle. À ton réveil, il sera là, celui dont, à Golgotha, tu vis couler le sang, et dont la miséricorde s'étend sur toi comme sur tous les hommes. Fin de la section 16.